Analyse du 6 mai 2023. Thierry Pirlo, Sherpa One. Sosie, clone et CGI, comment s'y retrouver? Les CGI étant des images générées par ordinateur ou Computer Generated Imagery. La méthode pour reconnaître qui est qui est de comparer les photos publiées sur Google en 2016-2017 avec leur image à la télé lorsqu'on les voit s'exprimer. Mais selon le moment où ils ont été interchangés, on peut aussi utiliser des photos Google plus récentes. Il n'y a pas l'ombre d'un doute en ce qui concerne Biden, le pape François, Macron, Lula, von der Leyen, Merkel, Johnson et Poutine, entre autres. Je dirais même Bettel au Luxembourg récemment. Dans un premier temps, il faut comprendre que les deux camps, Deep State et Alliance, possèdent depuis les années 80 la technologie pour que nous ne voyions aucune différence à l'écran. Et c'est sans parler des CGI sur fond vert, qui peuvent nous faire croire que Biden se balade à Kiev en pleine guerre ou encore que Zelensky se promène dans les rues de Washington. D'ailleurs, voir Biden en Ukraine est une preuve supplémentaire du grand film, sachant que les services secrets américains n'autoriseraient jamais que leur président se retrouve en plein territoire ennemi au milieu d'une guerre. Alors, CGI, sosie ou clone, comment s'y retrouver ? Il y a trois cas de figure. Le premier, si l'Alliance veut que nous percevions la différence entre un original et son sosie, elle nous le montre, par exemple, avec les plis que font le latex dans le cou de Macron et de Biden. C'est flagrant pour qui veut bien le voir. Deuxièmement, pour en tromper d'autres, l'Alliance veut faire croire qu'il s'agit bien des originaux, qui continuent à travailler pour leur maître, afin que leur sous-fifre le croit également, ceci pour des raisons stratégiques liées au plan et qui nous échappent. C'est peut-être le cas de De Croo et de von der Leyen, car c'est difficile à déceler. Mais selon ma compréhension, le Deep State n'est actuellement plus en capacité de les manipuler. Troisièmement, d'autres personnalités sont toujours des originaux ou des clones, et sont sous contrainte et menace de l'un ou l'autre camp. Cela complique d'autant plus la compréhension de savoir qui est qui, sachant que le remplacement par des sosies, clones ou CGI peut se faire par les deux camps. Nos bergers travaillent ces techniques depuis les années 70 et les maîtrisent, mais avant, personne ne le savait et donc personne ne le voyait. On commence à peine à réaliser l'étendue de la tromperie politique de ces 40 dernières années. Pour comprendre l'énormité de l'histoire, il faut accepter la réalité de la technologie du clonage humain. Cette technologie existe depuis longtemps, avec probablement une rétro-ingénierie extraterrestre obtenue suite aux accords passés avec les USA en 1946. Ils ont la capacité de fabriquer des clones à partir de cellules de l'individu original, puis de les faire vieillir à vitesse exponentielle dans des énormes tubes de croissance pour qu'ils retrouvent l'original à un âge donné. Ceci nous est montré par exemple dans le film Replica de 2019 avec Keanu Reeves. C'est pourquoi il devient très compliqué aujourd'hui de faire confiance à qui que ce soit. Du politicien à la star du showbiz qui, si elle en a les moyens, peut se payer un, voire plusieurs clones. Les moins riches se contentent de rajeunir avec de l'adrénochrome. Pour coordonner tout cela, il existe des agences qui prennent contact avec des milliardaires de tous horizons pour leur proposer des solutions de remplacement par des clones. Ces clones sont ensuite dirigés par des espèces de maîtres chiens qui ont la capacité de leur donner des ordres grâce à des techniques tirées des programmes MK Ultra Monarch sur le contrôle mental. Un tel contrôle mental est parfois exercé directement sur des gens riches et célèbres sans qu'ils soient clonés pour autant et à l'insu de leur plein gré. C'est le cas par exemple de Britney Spears, qui était sans le savoir et sous influence de son père, une esclave sexuelle. Il est donc tout à fait possible qu'un clone de Céline Dion se tape un énième show au Coliseum de Las Vegas durant 3 ans en playback, pendant que la Céline originale prend du bon temps autour de sa piscine avec ses enfants. Tout cela résulte de contrats passés avec le diable. Bien qu'à cette heure, nous soyons encore très peu nombreux à le réaliser. Ceux et celles ayant des clones sont donc en général des pédosatanistes en pleine conscience et qui ont passé des accords pour jouir de tous les avantages. Les présidents, eux, ont des sosies et possiblement des clones pour certains, pour des questions de sécurité durant leur voyage. C'est pourquoi il se dit que, grâce à l'alliance qui en était à ses débuts en 1963, le vrai JFK n'était pas à Dallas et que c'est son clone qui s'est pris une balle à sa place. Le Poutine numéro 1, avant 2012, avait, paraît-il, une quinzaine de sosies. Trump, lui, en a plusieurs, avec un code vestimentaire. Cravate rouge, l'original, cravate bleue, le sosie. Il est aussi possible que le Trump original ait succombé suite aux nombreuses tentatives d'assassinat sur lui ces dernières années. Notre dissonance cognitive à ce niveau de compréhension est fonction de notre croyance ou non en ces technologies existantes, sachant que celles qui nous ont été cachées dépassent de très loin notre entendement. L'énergie libre existe depuis les temps originels et nous sommes les seuls cons à la payer sans le savoir. Écoutez les 6 épisodes de « Histoire perdue de la Terre plane » sur le rôle de nos cathédrales et de leurs fonctions. Vous comprendrez que cela n'avait absolument rien à voir avec la chrétienté, l'église romane ou les fameux francs-maçons, lesquels d'ailleurs n'ont jamais rien maçonné d'autre que nos esprits en falsifiant l'histoire des Tartares et des anciens Vikings. Toutes ces recherches sont fascinantes, mais elles demandent beaucoup de travail avant que le plafond de verre n'explose pour de bon. Après, ce n'est que du bonheur. Cher Pawan. Le bossu est mort. Vive la galère. Et toi, prince félon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la galère, c'est la galère qui vient à toi.